Sans allumette, tu l'aimes pas, t'as qu'à lui mettre. Chez nous l'amour à distance n'est autre qu'un fusil à lunettes. La paix c'est comme ton Porsche Cayenne, on l'a jamais vu. On a attendu le drapeau blanc, Spédé n'est jamais venu. Ultra violent depuis le berceau. Frère, si tu savais, la défaite laisse un goût amer. Voilà pourquoi tes larmes sont salées. Dans nos têtes, chaque deux saisons, va t'au l'hiver et l'automne. Je vais te déclarer ma flamme avec un cocktail molotov. Tu vas kiffer ta race. L'OM est sur le brassard. Fils de pute. Et le Réal, je suis le Barça. Bref, font toutes ces stories, sont pédés. Si j'ai pas confiance en moi-même, comment faire confiance à ces pédés? J'arrive en Bécane. Je reste quelques mois sur Paris et je m'arrache comme Beckham. Enfin bref, oui c'est l'hiver. Je sens plutôt que des chiales et des lacs de larmes, je préfère chialer des rivières de sang. J'étais tendre, enfin elle fut un temps. J'te mets une patte à ton hiver, bateau tu te réveilles au printemps. À quoi sert viser trop haut si t'atteins jamais le sommet? J'ai les plaques, mais sommeil plaque, dur de trouver le sommeil. Poto, tu fais pas d'argent, tu critiques ma cote. Si t'es pas content, ferme ta gueule et pente la coke. Ok, j'noircis les pages, j'écris un flingue sur la tempe. Et beau courir après un rêve, que passer son temps à l'attendre. J'me sens comme un équilibre et sans le fil, parce que j'suis pas le héros. Je crois même que je vais mourir dans le film. Enfin, paraît-il, et je me demande pourquoi paraît-il. Les lunettes sont fumées, j'ai trop de haine dans la rétine. Smith et Wesson sous le bombardier. Cramé comme un T-Max qui fait 30 fois le tour de ton quartier. On fait tous les fous, on est tous perdus sans daronne. Fais ce que t'as à faire, une action vaut mieux que 100 paroles.